بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فسي نوتخو سانكيام كور أوتور دي راجل دون لا ليجيسلاسيون vis-à-vis du comportement avec les autres. Donc la dernière règle sur laquelle nous sommes arrêtés dans la conférence de Cheikh Salah al-Sheikh Hafidhahullah Ta'ala, c'est, on a commencé avec la règle comment se comporter avec soi, comment se comporter avec les parents, avec la femme, et la femme vis-à-vis de son mari, avec les proches, avec les enfants, et avec le commun des musulmans. Bon, le commun avec les musulmans en général, dans le général, le fondement et la règle de se comporter avec le musulman en général, ceci, Cheikh, il a divisé en plusieurs parties. D'abord, comment être avec ceux qui accourent vers le bien. Et le muqtasidun, c'est-à-dire les croyants qui sont soumis à Allah, Zawjal, qui obéissent. Et comment se comporter avec les pervers et avec les désobéissants. Et maintenant, la dernière phase dans cette règle-là, c'est comment se comporter avec les innovateurs. يقول الشيخ التعامل مع المبتدعة. يقول هذا كثيرا ما يأتي السؤال عنه لأهل العلم. يسأل أهل العلم كيف يتعامل مع المرء مع المبتدعة، كيف يتعامل المرء مع المبتدعة، وهو نوع من العلم فصله الفقهاء والعلماء في كتب وبينوا ما ضوابط ذلك، وبينوا ما يحل وما يحرم، وكيف يعامل المبتدعة. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, au niveau du comportement avec les innovateurs, il a dit ça, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de questions. Les hommes de science reçoivent beaucoup de questions à ce niveau-là. Comment les gens doivent se comporter avec les innovateurs? Et ça, il dit, ça fait partie de la science. C'est une catégorie de la science. Et les hommes de science ainsi ont détaillé ceci dans leurs livres. Et ils ont montré les règles à suivre à ce niveau-là, ce qui est permis et ce qui ne l'est pas permis, et comment il faut se comporter avec les innovateurs. يقول حفظه الله المبتدعة أصناف منهم الذي يجهر ببدعته ومنهم من لا يجهر ببدعته. Et les innovateurs sont, il les a cités en deux catégories, ceux qui déclarent leur bid'a et qui la montrent à tout le monde et qui invitent vers leur bid'a, et les autres, ceux qui la cachent. Il est dans une innovation, mais ce n'est pas connu de tout le monde, il cache. Enfin, donnez-moi un exemple parmi ceux qui déclarent leur bid'a. Plus que ça, il y a des fois des gens qui font la naissance du prophète, ce sont des ignorants, ils suivent tout simplement. Comme beaucoup de communs en Afrique du Nord, ils suivent tout simplement les imams qui les ont égarés. Quelque chose avec lequel qui remplit les jeunes d'ambiguïté. Là, n'importe quelle voie, la voie d'il tkfiri, la voie d'il ceux qui appellent vers tkfir, vers le prétendu jihad, les grands prêcheurs d'il ikhwal muflisoun, que ce soit Tariq Ramadan ou Hassan Kwissan ou les autres, c'est clair. Tablir là, c'est clair aussi. Leur tête, c'est il y a ceux qui cachent. Il est dans une innovation, mais il la cache. Personne ne le sait. Il n'y a que lui. Ou là, un ou deux intimes avec lui qui le savent. Il n'en parle jamais à personne. Donc c'est ça, les innovateurs sont de deux sortes. Quelqu'un maintenant, comme celui que vous citez ici, qui monte sur le manbar et qui déglingue et parle mal sur les hommes de science d'Arabie Saoudite et qui dénigre le Wahhabia et la voie du puiser d'Allah alayhim, là c'est clair. Et en plus de ça, quand les frères lui ont parlé, ils lui ont, il a rendu mécréant tous les gouverneurs des pays de l'islam. Le frère lui demande, est-ce que tu reviens sur ça? Il dit non, ils sont tous mécréants. Et les populations qui sont sous leur tutelle sont mécréants aussi parce qu'ils acceptent de vivre sous la tutelle d'un gouverneur mécréant. Donc ils suivent Tarot, là aussi ils rentrent dedans. Et ils le déclarent. Vous avez vos savants, nous avons vos savants. Nous savons. Donc ceci est clair. Hada, il faut s'en éloigner pour te préserver. Hada, comme ce matin on a vu l'Hajr Wiqa'i, Hada, tu t'en éloignes parce qu'il en va du fait que toi tu te préserves. Il faut faire très attention à ce genre. Et ce genre, beaucoup sont souvent comme ce cas-là, c'est un blédiste qui vient. Et il y a un grand défaut. Il y a certains blédistes qui sont très bien, qui suivent la voie du puiser d'Allah alayhim, qui maîtrisent l'arabe, etc., qui suivent la voie du puiser d'Allah alayhim et qui rendent service. Mais il y a d'autres qui déclinguent la communauté, surtout les jeunes qui ne parlent pas arabe, etc. Ils les déclinguent. Certains pour eux, la jeunesse française et tous ceux qui ne parlent arabe, c'est une vache à lait. Un dakaki, tu ne fais pas avoir. Pas parce que c'est un beau parleur, etc. Hein? Un beau parleur, d'accord, mais que tout, qu'il fasse les choses selon les règles que lui dicte la religion. Et qu'il respecte en toi Allah, Azzawajal, qu'il préserve les droits d'Allah, vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de toi. Donc c'est pas notre religion, comme il a dit, cherche certaines personnes, agissent avec leur passion, ils mettent en priorité leur passion. L'islam, nous ne devons pas mettre nos passions en priorité, ni nos sentiments. Les passions, les sentiments, nous devons les conditionner avec la législation d'Allah. Et je crois que les quatre premiers cours qui sont passés sont très clairs. Les paroles d'Yelcher étaient très claires, comme quoi il faut tout conditionner selon la législation d'Allah, à tous les niveaux. Que ce soit vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis du commun, vis-à-vis des innovateurs, vis-à-vis n'importe qui. Tu dois tout conditionner avec la législation d'Allah. والأصل في المسلم السلامة حتى يظهر غير ذلك وإذا أظهر بدعته فيعامل معاملة المبتدع. الشيخ النودي celui qui ne déclare pas son innovation, ne la montre pas, il la cache, le comportement avec, c'est un bon comportement qui doit être avec, parce que c'est un soumis à Allah Azza wa Jal, c'est un musulman à l'origine, et le musulman il a ses droits, on agit comme il se doit avec lui, jusqu'à ce qu'il montre autre chose, jusqu'à ce qu'il déclare son innovation. Et dans ce cas-là, s'il la déclare, il est comporté avec le comportement qui est dû à l'innovateur. وَالْمُبْتَدِعُ يُعَامَلُ بِالْهِجْرَانِ يعني الأصل في المبتدع أن يُعَامَلَ بِالْهَجْرِ وَأَنْ يُهْجَرْ لأن من أصول الشرع أن يُهْجَرَ المبتدع فيُعَامَلُ بِالْهِجْرَانِ وإذا سلم لا يرد لأن فيه تعزيل الله لإظهار السنة وإخماد البدعة وهذا له ضوابط. Et l'innovateur, celui qui appelle à son innovation, qui défend son innovation, celui-là tu dois t'en éloigner, tu dois le mettre à la quarantaine. La mise en quarantaine est beaucoup plus pour toi que pour lui, pour que toi tu t'en préserves de ses ambiguïtés et de ses déviances. Tu dois t'en éloigner pour protéger ton cœur et pour protéger ta religion. Et l'origine au niveau de l'innovateur, c'est que tu le quittes, tu t'éloignes de lui, tu le mets à la quarantaine. Et le fait de délaisser quelqu'un, ça fait partie des fondements. Et les fondements, les règles d'Al-Hajr, les hommes de science les ont détaillés. Et quand les gens de la Sunna, la sunna a pignon sur rue. Et c'est eux qui ont le pouvoir, même s'il fait salam, on lui répond pas. Quand c'est les gens de la sunna qui ont le pouvoir, qui ont la force. Hein? Parce qu'il y a dans cela le fait de le rabaisser et de le faire comprendre comme quoi il est dans l'erreur et que certainement il va revenir. Hein? Dans des situations dans lesquelles vous êtes, la situation est différente par rapport à cette règle. Ça veut dire que ici, un tablir, un tkfiri, surtout un tablir, il vient te saluer que tu es à côté des communs, tu lui réponds son salam. Je vais te dire pourquoi. Parce que si tu ne lui réponds pas, s'il est avec des communs, et que toi tu passes, tu le salues pas, ou là il passe avec des communs, des gens de la mosquée, ou là des gens influents dans le bureau de la mosquée, etc. Si tu ne lui réponds pas, une fois que toi tu pars, il va les tourner contre toi. Vous voyez, je l'ai salué. Il ne m'a pas répondu. Ça veut dire que moi et vous, on est de kuffar pour lui. Direct. Hein? Aussi, tu dois faire attention aussi quand il est dans la mosquée, ne rentre pas dans cette excitation. Lui, quand il a le commun, quand il voit ceux qui ont la loi dans la mosquée, ceux qui décident, des fois quand il voit un jeune frère tout seul, etc., il l'excite. Il l'excite jusqu'à le faire tomber. Et il le ramène sur un terrain où le frère, il perd les pédales. Et il se met en colère. Et il part. Lui, il reste avec les vieux et avec les dirigeants de la mosquée. Il le montre contre lui et contre eux et contre Salafine en général. Il faut faire très attention à leur manigance et à leur ruse. Ils agissent ainsi. Il ne faut pas tomber dans leur filet. Mais quand il est tout seul dehors, la personne, il n'y a pas de problème. Passe. Si c'est un da'i, l'innovation, passe, tu ne le calcules pas. Pour Allah Azza wa Jal. Hein? Il faut faire très attention. Sois malin aussi. Hein? C'est, il en va de la voix de tes puiseurs d'Allah Alayhim. Quand les puiseurs d'Allah Alayhim avaient la force d'un endroit, des imams qui suivaient le cortège d'un mort. C'était des hommes de la sunna et la sunna était apparente. Et quand on arrive au moment de faire la prière sur son mort, il partait. Et ça a attiré l'attention. Pourquoi il est parti? Et d'autres le suivaient. Dire, ici, il n'a pas prié pour lui, c'est un innovateur, donc. Mais ça, parce qu'ils avaient la puissance avec eux. La sunna était forte, etc. Et donc, même les règles de l'innovation, on a à calculer. Voir dans le milieu dans lequel on est. Hein? Pour ne pas être une anti-dawa contre le menace de Salaf d'Allah alayhi. Enfin, les règles de la religion, il faut bien les comprendre et les mettre en. Parce qu'il nous est demandé de repousser le mal. Et c'est un grand mal le fait de dénigrer la voie du plaisir d'Allah alayhi. Parce qu'on a mal agi. On n'a pas fait les choses comme il se doit. Enfin. المبتدعة لهم أحوال أيضا منهم من يكونون في دار الإسلام ويكون وصف البدعة على الطائفة دون الفرض مثل ما يكون عندنا عند في العربية السعودية كما يقول الشيخ هنا نقول مثلا يقول الشيخ طائفة الرافضة الرافضة موجودون أو طائفة الإسماعيلية الإسماعيليون موجودون أو الصوفية أو الأشاعرة في بعض البلاد كطائفة نعلم أن هؤلاء رافضة نعلم أن هؤلاء إسماعيلية نعلم أن هؤلاء صوفية نعلم أن هؤلاء أشاعرة وهكذا ما حكم هذه الطوائف في الإسلام في دار الإسلام وكيف يتعامل المرء معهم Les innovateurs, Cheikh il dit, ils ont des situations. Ce sont des situations différentes. Il y a des degrés différents. Hein? Certains parmi eux vivent dans les pays de l'islam. Et la description de l'innovation concerne le groupe en tant qu'idéologie, en tant que groupe. Sans les individus. Les individus, leur situation, avant que tu lui colles l'étiquette d'innovateur, il faut que les preuves soient accomplies. Il n'y a pas d'injustice dans la religion. Mais l'idéologie du groupe, les principes du groupe, ils ont dessus, là, c'est de l'innovation. Mais les individus, eux, chez chacun son jugement. Après l'accomplissement du groupe, après que la situation lui soit expliquée, après que les ambiguïtés soient dissipées dans son esprit. Enfin, il dit, comme chez nous, comme ce que nous avons chez nous, il dit, les groupes d'Al-Rafida. Rafida existe en Arabie Saoudite. et ou là le groupe d'El Ismaïlia qui sont ceux qui croient en le 12 imam d'El Rawafid. Ils existent aussi. Il y a aussi Sofia. Il y a l'Acha'ira dans certains pays. Sofia dans beaucoup du pays du Maghreb ou au nord de l'Arabie, etc. Cham, etc. Quand tu vas vers l'Asie, etc. Il y a beaucoup de Sofia. Et les Sofia, c'est 10 degrés aussi. Hein? Il y a des Sofia qui les voient, dont leur voix amène directement vers la mécréance. Ils ont des croyances qui sont du domaine de la mécréance. Il y a d'autres qui sont moins. L'Acha'ira, il y a beaucoup d'Acha'ira dans les pays du Maghreb en général, l'aqidah sur laquelle ils sont, sur l'aqidah d'Yel Abu al-Hassan al-Ash'ari, rahimahullah. Alors que l'Abu al-Hassan al-Ash'ari, lui, est revenu sur cette aqidah. Ce qu'ils attribuent à Abu al-Hassan al-Ash'ari n'est pas juste. Et, Cheikh, il dit, il en est ainsi. Il y a des groupes dans les pays de l'islam. Comment se comporter avec ces gens-là dans les pays de l'islam? Il dit, rahimahullah, wa hafidah. الجواب أن ثمة تفصيلا ذلك أن الطوائف في دار الإسلام ما دام أن الدار دار الإسلام فإن هؤلاء الأصل فيهم أنهم ويقول وأعني بهؤلاء الطوائف يعني يحكم عليها كجنس بالكفر مثل دين الرافضة أو دين الإسماعيلية هؤلاء من جهات الحكم في العموم في دار الإسلام يقول الشيخ لهم حكم المنافقين كطائفة أي كجماعة كما بين ذلك أهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم قبل من المنافقين أن يعاشروه في المدينة أو يبايعوه أو يشاروه وأن يكونوا معه ويعلمهم ويعلموا سرائرهم صلوات ربي وسلامه عليه ولكن وكل سرائرهم إلى الله وقبل علانيتهم بالإسلام في حكم عام من كطائفة لهم حكم الطائفة هذه الرافضة في السعودية لهم حكم أهل النفاق عند أهل العلم في السعودية يعني يقبل منهم ظاهرهم وتوكل سرائرهم إلى الله عز وجل il dit حفظه الله تعالى la réponse pour ceci il y a un détail dans cette réponse il dit les groupes qui existent dans les pays dans les terres musulmanes tant que les terres sont des terres musulmanes il dit l'origine des gens Et l'origine des groupes, c'est que, comme Rafida et Ismaïlia, ils sont considérés comme, en tant que groupe, c'est un groupe de mécréance. En tant que groupe, pas en tant qu'individu. Hein? En tant que groupe, un groupe de mécréance. Hein? La religion d'Yel Rafida, la religion d'Yel Ismaïlia, et ainsi de suite. Alors, en général, tant qu'ils sont, et dans les pays de l'islam, ils ont le statut d'hypocrite. Comme groupe. Comme les hommes de science l'ont détaillé. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a accepté des hypocrites, que les hypocrites vivent avec lui. Il le côtoie dans la ville de Médine. Il commerçait avec eux, il leur vendait, il achetait d'eux. Hein? Et il les connaissait, il savait sur quoi ils étaient dans leur pensée, et comment ils pensaient, et qu'est-ce qu'ils avaient dans leur intérieur. Comment ils le savaient? Allah subhanahu wa ta'ala l'on a informé par la révélation. Mais pour ce qui est de leur intérieur, il a laissé leur situation à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a délégué leur situation à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a accepté leur apparence. Qui est l'islam, il l'a accepté d'eux. Et ça concerne, c'est un jugement concernant le groupe en entier comme ça en général. Ils ont quelle sentence? La sentence de l'hypocrisie. Ça veut dire, l'islam, l'apparence qu'ils donnent est acceptée d'eux et leur intérieur, ce qu'ils renferment dans leur cœur, ça est délégué à Allah Azza wa Jal. يقول الشيخ فمن أظهر منهم يعني من هذه الطائفة من أظهر منهم بدعة عمل بأحكام المبتدع ومن أظهر منهم شركا عمل بأحكام الشرك ومن أظهر منهم نفاقا عمل بأحكام النفاق ومن أظهر منهم ردة عمل بأحكام الردة وهذا عند القضاة وهذا عند القضاة ها وعندما تقام الحجة ها et il dit حفظه الله تعالى quand quelqu'un parmi eux parmi ces groupes là parmi les individus il faut apparaître leur innovation Donc les sentences qui vont décoller, c'est les sentences de l'innovateur. S'il montre l'associationnisme, s'il montre l'hypocrisie, bah, le comportement qu'il va y avoir avec lui va être par rapport, va être le comportement qu'on doit avoir avec l'associateur, avec l'hypocrite. Si l'apostasie, la même chose, mais tout ceci qui doit le faire, c'est ni moi ni toi. C'est le juge musulman. Après qu'il mette, qu'il lui détaille les preuves, il dissipe les ambiguïtés et lui demande de se repentir, c'est à eux d'accomplir les sentences. Les sentences n'appartiennent pas à nous. Il y a des gens, hein, pour le faire. Et ça doit être clair pour nous. Et encore plus, nous qui sommes ici, dans les pays qui ne sont pas musulmans. Avancez par là, Inch'Allah. Vous vous laissez la place au frère Zida. Ne nous laisse pas à côté de la porte. Donc, Inch'Allah, que ceci est clair. Hein? Les sentences, et ce qu'il découle, et les jugements, etc., ça, c'est les juges musulmans qui doivent le faire. Et ce n'est pas à notre devoir, ni à nous de nous en occuper. فمن هذا منهم يقول الشيخ فإذا من جهة الطائفة لا ينطبق حكم الطائفة على كل فرد بل الأفراد من هذه الطوائف التي أصلها كفري هذه الأفراد يعاملون معاملة المنافقين يعني يقبل منهم ظاهرهم ويعاملون كما يعامل أهل النفاق يبايعون ويشارون لكن لا يخالطون ولا تقبل دعوتهم Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, ce groupe en tant que groupe. En ce qui concerne le groupe ici, il a pris comme exemple Rafida et l'Ismaïliya. Il dit, ce groupe en tant que groupe, la sentence qui collait au groupe ne va pas directement aux individus. Les individus, hein, qui font partie de ces groupes dont l'origine c'est la mécréance, c'est d'individu le comportement qui doit être accompli vis-à-vis d'eux dans un pays de l'islam, c'est le comportement qu'on doit avoir avec l'hypocrite dans un pays de l'islam. C'est-à-dire qu'on accepte de lui l'apparence de l'islam et son intérieur, il est délégué à Allah subhanahu wa ta'ala. On achète, on vend, on commerce avec, sans problème. Mais on ne se mélange pas avec, on n'invite pas. Hein? On ne le prend pas comme intime, etc. يقول الشيخ إذا أظهر الواحد منهم بدعة فتنطبق عليه أحكام المبتدع إذا أظهر الواحد منهم شركا انطبقت عليه أحكام المشركين إلى آخر ذلك. Le cheikh de dire quand quelqu'un parmi eux fait apparaître une innovation, hein, bah s'applique sur lui les lois de l'innovateur. Et quand quelqu'un parmi eux fait apparaître l'associationnisme, s'applique sur lui les lois de l'associationnisme. Mais qui applique les lois? Hein? Dans les pays de l'islam, on revient aux hommes de science et aux juges, frère en Allah Azza wa Jal. Yaqul al-Sheikh, amma al-tawa'if allati la tablughu hadd al-kufr, mitl al-Sufiya wa mitl al-Asha'ira wa nahwu dhalik, fa haula ilahum ahkamu al-mubtadi'. إذا علمت أن هذا المعين منهم مصرح بما يعتقدون أما إذا كان مستورا فإنه لا يندرج عليه حكم أهله أو حكم فئته أو حكم طائفته حتى يتبين لك منه بقول أو عمل أنه صوفي أو أنه أشعري تندرج عليه أحكام أهل البدع من هجرهم وعدم قبول دعواتهم ومن مجاهدتهم وأمرهم ونهيهم ورفعهم إلى ذي السلطان يعني رفع أحوالهم التي أظهروا فيها البدعة إلى أهل العلم أو إلى ولاة الأمور إلى غير ذلك وهناك أحكام تفصيلية أيضا لكن قال الشيخ يضيق الوقت عن بيانها هنا يلدي حفظه الله تعالى كنت زيتخو غروب دون لا ديفيونس ني با دي دومين دو لا ميكريونس لو كا كي نوزا سيتي اوباغافون ديال الرافضة اكسيتيرا دون le groupe en tant qu'idéologie, etc., en tant que tendance, c'est la mécréance. Il nous a montré comment il faut agir avec. Et surtout quand ils sont dans un pays de l'islam. maintenant avec d'autres groupes dont la déviance n'est pas du domaine de la mécréance, mais c'est une innovation, comme les Sophies, comme les Asha'ira, comme autres. Tu rentres dans ça, les groupes que tu connais, tu rentres dedans l'Ihbash, tu rentres dedans le Tablir, tu rentres dedans l'Ikhwan, les prétendus djihadistes, les Tkfiri, les Sorori, et tous. Tous rentrent dedans, Ado. Ce groupe-là, que c'est cher ici, ceux-là, ils sont contenus dedans. Ceux-là, ils ont le sentence et le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis de l'innovateur. Quand tu sais que quelqu'un individuellement déclare les croyances de ce groupe, les défend et propage et invite vers ça, il est tel. Mais si la personne, elle, il est avec eux, mais il ne fait pas de dawa pour cette voie-là, il ne la déclare pas, personne ne sait. Là, il n'est pas concerné par la sentence. Il n'est pas concerné par la sentence qui concerne son groupe d'idéologie. Jusqu'à ce qu'il le déclare, qu'il montre qu'il est Sofi, qu'il est Ikhwan, qu'il est Tablir et qu'il défend, ou qu'il est Ahbash, ou qu'il est Kfiri, etc. Et dans ces cas-là, il va rentrer dans les sentences des gens de l'innovation. Qui est le fait de les mettre à la quarantaine? Et surtout pour nous maintenant, le fait de les mettre à la quarantaine, c'est surtout pour se protéger d'eux. Mettre à la quarantaine, il y a le fait de les mettre à la quarantaine pour se protéger. Il y a le fait pour les éduquer. Mais à notre niveau, à nous, cette mise à la quarantaine, c'est pour nous, pour se protéger. Mais ceux qui ont de la science et qui sont un modèle que les gens suivent, quand ils mettent à la quarantaine, leur mise à la quarantaine pour éduquer. Parce que la personne va réfléchir. Pourquoi le cheikh il m'a mis à la quarantaine? Pourquoi cet éducateur il m'a mis à la quarantaine? Et ça, là, ça va lui donner à réfléchir. Mais quand à notre niveau, à nous, la mise à la quarantaine pour nous protéger, protéger notre cœur et notre esprit, et se protéger de ces mauvaises idéologies. Et je vous le rappelle encore une fois, quand on met à la quarantaine, qu'on soit intelligent dans la mise en application, qu'on ne se fasse pas avoir. On est entouré par des loups et par des gens dont les ruses shaitan, il leur dit de ces ruses assez exceptionnelles pour dénigrer la voie des puseurs d'Allah Alim. Et on sait de la jeunesse qui d'Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert le cœur pour la voie des puseurs d'Allah Alim. Ils aiment cette voie, ils veulent la défendre, ils veulent que tout le monde rentre dedans, ils veulent pas qu'on la dénigre. Et ça les pousse un peu des fois à mal agir. C'est tout à fait normal dans le début, c'est comme ça. Mais il faut faire très attention, Harry. Quand ces innovateurs comme Tablir, surtout Tablir, ils agissent ainsi, et Juan, Malhbash, Homa dans leur truc, si tu dis quelque chose, c'est eux qui te cartonnent. C'est le baston. Et t'as le malheur, si t'as le malheur d'arriver dans une région, de ne pas connaître une mosquée, de rentrer dans une mosquée d'Al-Ahbaj, et qu'ils voient en toi l'aspect de ce qu'ils appellent Homa al-Wahhabiyya, c'est-à-dire les Salafis, c'est ainsi qu'ils les appellent, tu vas passer un mauvais quart d'heure dans leur mosquée. Donc il faut que tu fasses en sorte, parce qu'ils s'appellent, ils sont nombreux, ils se mettent à plusieurs autour de toi. Et ça n'arrête pas. Et ça arrive au bastonnade, parce que ceci, cette façon de faire, ils l'ont hérité de leur cheikh Abdullah al-Harari. Abdullah al-Harari, quand il y a un da'i ou un homme de science qui débat avec lui, quand il voit que c'est fermé, il fait un clin d'œil, comme quoi il va partir. Soit le clin d'œil veut dire, ceux qui sont là vont continuer le débat avec toi, ça veut dire donner le baston à la personne. Et ceux-là, ils l'ont hérité de leur cheikh. Et beaucoup, et ceci est écrit dans les livres, par des du'at qui sont dignes du nom, comme Damashqiya, qui est libanais et qui les connaît de très très près, et d'autres qui ont écrit sur Jama'at al-Ahbash. Les tablirs, quand ils sont dans le commun, ils n'utilisent pas la main, mais ils utilisent des manigances à Oudoubillah. Ils t'excitent. Ils t'excitent pour que tu tombes dans le panneau, pour que tu t'énerves. Et toi, tu sors de la mosquée. Mais Omar, ils remplissent les vieux contre toi. Ils remplissent les responsables de la mosquée, etc. Pour bloquer. Si jamais tu viens pour demander, pour amener un frère à faire encore, etc., tu as le blocage direct. Mais tu ne sais pas d'où il est arrivé. Un soir, tu t'es emporté, mais toi, tu n'as pas fait attention à l'incident. Tu es parti, mais l'étiquette t'a été collée. On a rempli les responsables de la mosquée. On a rempli ceux qui gèrent la mosquée, etc. La même chose, les Ikhwan, ils font de même. Les Ikhwan, ils ont la même politique. Les Ikhwan dit qu'ils savent qu'un frère va faire da'wah dans une mosquée, c'est la da'wah. Si la mosquée est sous leur influence, ils appellent. Blocage direct quand tu arrives. Je te parle de situations expérimentées et vécues. Parce que je viens d'une région, le fief d'Ikhwan, Lille, et la naissance de GMF, de la jeunesse musulmane. Hein? L'Ikhwan, il a vu le jour là-bas, dans le nord. Donc il faut être sage. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ouvert le cœur dans la voie d'une plusieurs d'Allah alim. Il faut être sage à la défense. Mais quand tu rencontres un tibler, un Ikhwan sur la route, qu'il est tout seul, qu'il n'y a pas un commun de musulmans avec lui, il n'y a aucune gêne, que tu ne le calcules pas, tu passes. Tu sais que c'est un da'i, que c'est un virulent de la voie, tu passes. Mais s'il est avec les communs, ne le fais pas. Ne le fais pas. Sois plus malin que lui. Parce que le mal qui va en découler est beaucoup plus grave si tu le fais. Tu le salues à ce moment. Et tu passes. Et si jamais il est avec un commun, quand ils font leur jaoula, leur tournée dans les villages, ils passent à côté de toi, avec le commun de ta mosquée. Tiens, ils prennent des fois deux personnes de ta mosquée, un pour le guide, un pour ceci, pour être avec eux, pour sortir faire leur jaoula dans ton quartier. Fais attention. Ce commun, si jamais le petit groupe de la jaoula dans ton quartier, il passe et tu dis salam alaykoum, tu réponds pas, dis-toi bien que sur le chemin, ils vont le vacciner contre toi. Et comme quoi, tu les as rendus mécréants. Et lui, puisqu'il est avec eux, il est mécréant aussi. Et tu vas voir cette personne qui était gentille avec toi auparavant, qui te souriait et qui t'accueillait bien, va changer après. Dès que tu viens à la mosquée, après cette jaoula, tu retrouves, tu vas regarder son regard, comment il est. Et après, lui, il va inculquer aux autres. Il va piquer les autres, parce que les gens, ils parlent entre eux. Et au moins, leur but, c'est ça. Ils ont semé, et ils partent. Ils laissent les autres faire le travail. Hein? Il faut faire très attention, il faut être plus malin qu'eux. Il faut être éveillé. Des erreurs ont été faites dans le passé, il ne faut pas les répéter. Il ne faut pas leur laisser l'occasion. Et il faut que maintenant, quand ils arrivent dans un lieu, où ils disent, ouais, ils disent qu'ils ont de la science, et que, regardez la sévérité, le manque de comportement que j'ai. Il faut qu'ils tombent, que leurs dents se cassent. Que les gens se rendent compte que c'est faux. Puisqu'ils sont en train de dire c'est faux. Pour arriver à contrer leur da'wa et leur façon de faire. Et aussi, il faut prendre en considération une chose. On est dans un lieu. Si, maintenant, le lieu, la mosquée, ici en Europe, ce sont les gens de la sunna qui la tiennent, il n'y a pas de problème de ne pas d'être ferme à tous les niveaux. Mais si la mosquée, il appartient aux communs, et les communs sont dirigés par les Ikhwan, par Tablir, par ci, etc., il faut être intelligent. Parce qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas être utilisées comme ça. Il faut prendre en considération le contexte. Hein? Et quand tu es dans un lieu comme ici, par exemple, tu as des lieux, c'est spécial Tablir. Et on sait qu'une personne monte sur le minbar, il dénigre, il massacre la voix du puiseur d'Allah alayhi. Tu n'y vas pas. Va chez un commun, c'est mieux. De sur le minbar, une jumu'a qui est faite pour réveiller les gens, pour apprendre aux gens leur religion, pour leur faire peur du châtiment d'Allah, et pour les orienter vers le bien, il devient un truc de critique et de dénigrement de la voix du puiseur d'Allah. Ne reste pas. Tu l'entends une fois, une deuxième fois. Pourquoi tu retournes la troisième fois? Tu tiens à être battu. Hein? Ou là alors, il n'y a rien. Ton cœur il pince plus pour la voix du tépiseur d'Allah alayhi. Ton cœur il pince plus pour les hommes de science. Tu les entends le premier Jumu'ah, il les dénigre. Hein? Il les rabaisse, la deuxième, la troisième. Où on va? Hein? Et notre amour doit être pour les croyants. Il fait partie des croyants. Et l'élite des croyants, ce sont les hommes de science. Hein? Quand quelqu'un est dénigre, Ibn Baz, Rahimahullah, l'Albani, ou Cheikh Al-Utaymi, qu'est-ce qui reste? Il n'y a aucun bien dans une communauté qui ne respecte pas ses grands. Je te donne un exemple. Une famille. Ils ont une vieille personne. Elle n'arrive plus à bouger. 100 ans. Comment ils sont avec? Hein? Ils sont tout un chacun, les arrière-petits-enfants, tout le monde est bien avec. Dans une société, dans une famille de musulmans qui craignent Allah Azza wa Jal. Laisse-moi les autres qui vont le prendre, qui vont le mettre dans la maison des vieux. Ah, laisse tomber. Moi, je te parle de quelque chose qui est où on respecte les parents et les personnes âgées, etc. Tout le monde le respecte. Et même des fois, il donne son avis. Même son avis, il n'est pas bon et qu'ils ne vont pas le mettre en application. Même des fois, il oublie. Il sait plus ce qu'il fait. Il dit des choses, mais ils ne le contredisent pas. Ils respectent en lui l'âge, cet âge-là. Et toute une communauté qui ne respecte pas ses grands, c'est une communauté, le bien diminue dans cette communauté-là. Le bien diminue dans cette communauté-là. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de respecter les grands, hein, et de respecter les hommes de science, et de leur réserver la place qu'il aurait dû. Mais quand on les rabaisse, et quand on les insulte, quand on les dénigre, donc où il est, hein? Où il est le conseil, l'orientation du prophète, alayhi salam? Et quand on se trouve dans un lieu comme ça, il vaut mieux le quitter. Peut-être que le châtiment de Allah arrive, il te prend dedans. Hein? يقول الشيخ في أصل آخر التعامل تعامل المرء مع الكفار. Il dit حفظه الله تعالى maintenant un autre fondement, une autre règle, comment se comporter avec les mécréants. يقول التعامل مع الكفار. Là il va nous citer un exemple d'Arabie Saoudite. Et on reviendra sur ce qui nous concerne nous à la fin. دي خاصة في هذه البلاد puisque en Arabie Saoudite كثر السؤال عن ذلك في السنين المتأخرة لما كثر الكفرة وكثر أنواع جلب الناس العاملين منهم من يكون من النصارى منهم من يكون من البوذيين ومنهم من يكون من الهندوس إلى آخر الفئات كيف يتعامل المرء مع هؤلاء. Il dit particulièrement dans ce pays, c'est-à-dire en Arabie. Il dit, ces dernières années, les questions, hein, n'arrêtent pas d'arriver chez les gens de science concernant le comportement à avoir avec les mécréants. Puisque dans le pays, beaucoup de gens de différentes tendances de mécréance arrivent, on les ramène pour travailler avec des contrats. Parmi eux, il y a des chrétiens, parmi eux, il y a des bouddhistes, parmi eux, il y a des hindous, des hindouistes et les différentes catégories de mécréants. Comment l'être humain doit se comporter avec eux? يقول الشيخ الكفار أنواع نوع من الكفار الحربيون والحربيون هم الذين بينهم وبين أهل الإسلام حرب والحربي يكون حربيا في داره فإذا أتى إلى دار الإسلام بغير أمان كان حربيا وأما إذا أتى بأمان فينتقل إلى حكم فئة أخرى وهذا النوع الأول الذين هم الحربيون الواجب جهادهم وذلك تبع لجهاد الدولة أو جهاد الإمام ليس لأي أحد ولفرد من الأفراد وإنما هو منوط بالإمام. Donc il dit les mécréants sont de différentes catégories. Catégories qui sont les mécréants qui déclarent la guerre. Ceux qui déclarent la guerre, ou alors ils ont une guerre entre eux et les gens de l'islam. Il dit, le mécréant qui est harbi, il est considéré en étant chez lui, en étant quelqu'un qui déclare la guerre à l'islam et aux musulmans. Quand il vient dans le pays de l'islam sans contrat et qu'il n'est pas rentré sous la tutelle de quelqu'un, il est considéré toujours comme quelqu'un qui déclare la guerre. Mais si maintenant il rentre dans le pays par un acte ou par un contrat et qu'il lui a été donné l'autorisation de rentrer, etc., hein, dans ces cas-là, même s'il vient d'un pays qui est harbi, qui déclare la guerre à l'islam et aux musulmans, dans ces cas-là, il change. Hein? Dans le pays de l'islam, il va avoir les conditions qui ont été acceptées pour sa venue, doivent être respectées. Et ce qui concerne le kafir al-harbi, l'obligation dedans, c'est de les combattre. Mais ça, c'est pas n'importe qui, c'est pas le jihad, le prétendu jihad, que chacun y prend, il tue, et il égorge les gens dans les coins de rue. C'est pas ça, l'islam. Mais le combat qui est considéré, si c'est le combat qui se fait derrière un drapeau, et derrière un imam, et derrière un pays, hein, et non pas la folie, et vers laquelle appellent les prétendus jihadistes dans les rooms d'Yel Tkfir, et d'Yel les jihadistes. Ce n'est pas un jihad. Hada, il faut l'appeler l'assassinat et la trahison. C'est tout. يقول الشيخ النوع الثاني من الكفار والطوائف أن يكونوا أهل ذمة مثل ما مثلا في مصر أو في سوريا أو في العراق فيه يهود وفيه نصارى وفي اليمن فيه يهود وفيه نصارى هؤلاء لهم ذمة لأنهم حينما دخل الإسلام تلك البلاد كانوا موجودين فأعطوا الذمة. Et la deuxième catégorie de mécréants, c'est une catégorie qu'on appelle les gens de la Dhimma, qui sont sous la protection de l'État islamique. Donc, contrepartie de ça, hein, doit payer un certain impôt, une certaine taxe. Comme par exemple, ce qu'il y a en Égypte, les Coptes qu'il y a en Égypte, en Syrie, il y a des chrétiens, il y a des juifs, en Irak, il y a des juifs, il y a des chrétiens, au Yémen, il y a des juifs, il y a des chrétiens. Ceux-là sont sous la protection du gouverneur. Ils ont la dhimma. Parce qu'au moment de l'arrivée de l'islam, ils étaient là. Ils étaient là dans ces pays-là. Ils faisaient partie des populations de ces pays-là. Et il leur a été donné la protection. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam amara bi an yuwaffa li ahli dhimmati haqqahum. Wa ahli dhimmati alayhim shurutun umariyatun ma'rufa 'inda ahli al-'ilm. ليس هذا محل بيانها. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné le fait de s'acquitter de nos devoirs vis-à-vis des gens de la dhimma, vis-à-vis d'Ahl dhimma, et de s'acquitter de leurs droits. Et les gens Ahl dhimma, ils ont des conditions pour vivre dans les pays de l'islam qu'on appelle les conditions l'Omar, il y a des conditions de Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu arda, qui sont connues, hein, chez les hommes de science. Lakin, يقول الشيخ لكن بالنسبة لهذه البلاد ليس تم أهل دمة. Mais il dit par rapport à l'Arabie Saoudite, il n'y a pas des gens qui font partie de cette catégorie-là, أهل دمة. لأن هذه البلاد أصلا ليس فيها نصارى ولا يهود أصلا. Et parce que l'Arabie Saoudite à l'origine, il n'y a ni juifs ni chrétiens. وإنما أجلي هؤلاء من هذه البلاد وليس تم احكام لاهل الذمه فيها. Mais les juifs et les chrétiens ont été dispersés et sortis de l'Arabie Saoudite, hein, et donc il n'y a pas de sentence et de loi concernant les gens de la dhimma. وانما الاحكام فيها هي للنوع الثالث وهم المستأمنون يعني المعاهدين الذين دخلوا البلاد بامان. Mais les lois vont concerner une troisième catégorie, ceux qui ont eu un pacte, ils sont rentrés avec un contrat, ils ont eu la sécurité pour leur vie, pour leur famille, etc., pour rentrer dans ce pays avec des conditions. Cela, on doit les respecter. On ne doit pas trahir les conditions qui ont été faites par notre gouverneur vis-à-vis d'eux. N'importe que ce soit en Arabie Saoudite, ou là ceux qui sont arrivés au Maroc, ou là en Tunisie ou autre. Hein? ويقول الشيخ والمؤمنون يسعى بذمتهم أدناهم كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح فإذا قدم أحد من الكفار بأمان بذمة المسلم، يعني ما يسمى هذا الوقت عندهم بالكفالة، يعني أدخله بأمانه، أدخل البلد بأمانه، أدخله بأمانه، فإنه له حقوق المستأمنين، وحقوق المستأمنين متنوعة. Et, cher de le dire, les croyants, chacun d'eux va accourir à remplir le devoir de son frère vis-à-vis de la protection de quelqu'un. Quelqu'un, toi, en tant que croyant, t'a amené un mécréant chez toi et il est sous ta tutelle. Nous devons tous la respecter. Nous devons tous la respecter. Le gouverneur a amené des gens sous sa tutelle avec contrat, qu'ils soient juifs ou chrétiens. Nous devons tous les respecter. On ne doit pas le dénigrer. Pas comme disent les prétendus djihadistes. Non, nos frères se font tuer à travers la planète, etc., etc. Donc ces mécréants qui sont venus de ne sais où, d'Amérique ou là, de France, etc., il faut les égorger comme dit mon ton. L'islam. Le musulman est soumis. Il ne suit pas ses passions. Il y a des règles auxquelles il doit être soumis. Pour écraser son nefs et montrer sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que tu te comportes comme il se doit, c'est ta soumission à Allah azza wa jal. Et le fait que tu te revoltes et tu fais n'importe quoi, tu suis tes passions, tu es en train de te rebeller contre quoi? Contre les lois d'Allah. Donc, on est conditionné. Conditionné par ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Par la sunna de Muhammad alayhi wa sallam et par la voix de nos puissants d'Allah alayhim. Donc, le cheikh, il dit, quand quelqu'un amène un ouvrier ou là un technicien mécréant dans le pays, il est sous sa tutelle. C'est ce qu'ils appellent au mal kafala. Comme maintenant, le frère, il dit, chacun il veut chercher un kafir. C'est-à-dire un garant. Hein? Qu'il soit garant pour toi. Had al-kafir, quand il ramène un mécréant, ben, il est sous sa tutelle. Et les musulmans doivent respecter cette tutelle. Et cette personne qui est rentrée avec des garanties, à ses droits. Et lui aussi, il a des devoirs. Et ses droits sont divers. يقول الشيخ وهؤلاء المستأمنون لهم حقوق حقوق المستأمنون وحقوقهم قسمان والمستأمنون قسمان. Il dit ceux qui sont rentrés avec des pactes et avec des contrats qui leur a été donné, des pactes et des contrats, ceux-là ils ont des droits. Ils sont de deux catégories. منهم من يكون موادعا يعني غير مظهر لشيء يخالف ما استؤمن عليه يعني أنه في دار الإسلام لا يظهر بغضا للمسلمين لا يظهر كلاما في الإسلام أو لا يظهر شيئا مما عهد عليه أن لا يفعله في دار الإسلام. هؤلاء المستأمنين هم الذين لهم هذه الصفة، يعاملون بالعدل والبر والقسط، كما قال جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Il dit, il fait partie de cette catégorie qui est rentrée avec contrat, qui a reçu fait de vivre tranquillement dans le pays de l'islam et d'y travailler. Ceux qui sont des gens de paix, qui ne montrent rien et qui ne dénigrent pas l'islam et qui ne dénigrent pas les musulmans et qui respectent le contrat qui a été fait, ils sont dignes du contrat qui a été fait. Ils disent rien sur l'islam. Et tout ce qu'on lui a dit de ne pas faire dans le pays de l'islam, ils le respectent. Ceux-là, ils ont la sécurité totale. Et c'est eux qui sont concernés par la parole d'Allah, Azza wa Jal. Il dit qu'il faut être équitable avec. Il faut être équitable avec. Il est dit dans le verset d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne vous interdit pas. Hein? D'être équitable et dévoué vis-à-vis de ceux qui ne vous ont pas combattu et qui ne vous ont pas sorti de chez vous. Notre devoir, c'est d'être équitable vis-à-vis d'eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui sont équitables. Yaqoul al-Sheikh, mais malheureusement, ces prétendus djihadistes, c'est ceux-là qu'ils touchent en premier. Ils vont les égorger. Ils transgressent la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذه الفئة هم الذين أتوا ويؤدون أعمالهم كما هي، يكون نصراني أو يكون مشرك أو يكون ملحد إلى آخره، لكن لم يظهر عيبا في الإسلام، وإنما يؤدي عمله وهو ساكت، لا يظهر شيئا مما ينتقد عليه، أو مما يدل على أنه مبغض للإسلام وأهله، أو على أنه يسعى ضدهم، أو أنه يخالف الشروط التي جاء من أجلها. دي سيت كاتيغوري ce sont les gens qui arrivent pour travailler, qui accomplissent les œuvres pour lesquelles ils ont été employés et ramenés. Qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient associateurs ou qu'ils soient athées, peu importe. Mais ils ne montrent aucun dénigrement de l'islam. Ils ne parlent pas au mal de l'islam ni des musulmans et ne font pas des choses contre l'islam et contre les musulmans. Et les conditions qu'il a signées, il les respecte jusqu'au bout. Mais à cela, ils ont la sécurité. Cette catégorie-là, on a à s'acquitter de notre devoir vis-à-vis d'eux et d'être équitable avec eux. Il dit le chef, « هذا النوع يعامل بالعدل يعطى حقه كاملا ولا يجوز إدلاله لا تجوز إهانته ولا يجوز أن يخرم الشرط الذي جاء من أجله لأن الله جل وعلا أوجب الوفاء بالعقد وأوجب الوفاء بالعهد في قوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا سواء العهد كان مع مسلم أو مع كافر et cette catégorie de mécréants qui vivent dans les pays de l'islam notre comportement vis-à-vis d'eux doit être juste on doit s'acquitter de notre devoir vis-à-vis d'eux il n'est pas permis de les rabaisser ni de les dénigrer et il n'est pas permis aussi de ne pas accomplir les conditions pour lesquelles il a été amené car Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné le fait d'être digne du pacte que nous avons signé et des contrats que nous avons signés. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce soit obligatoire. Et ceci concernant le mécréant, la concernant le croyant. La même chose. Il est dit dans le verset, et accomplissez, soyez dignes de vos contrats, de vos pactes, car vous serez questionnés sur les pactes et sur les contrats. Que ce soit avec un musulman ou que ce soit avec un mécréant, peu importe. فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود il dit dans le verset et acquittez-vous de leur période jusqu'à sa fin une fois معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه parti avec une armée vers les Romains un des compagnons là alors que le pacte n'était pas terminé معاوية ne connaissait pas ce hadith Et un compagnon est arrivé, il lui a dit c'est une trahison. Et quand il a entendu ça, il a entendu le hadith du prophète, il a fait demi-tour, il est revenu. Il est revenu sur ses pas. Donc, les pactes, parce que les compagnons de Mohammed et ceux qui les suivent à la perfection savent ce que ça veut dire le pacte. Ils savent qu'il est obligatoire pour nous de le respecter. Que nous, maintenant, les minus qui nous entourent parmi les prétendus djihadistes, la roi, ils voient juste le fait d'égorger des gens comme des lapins, comme des chèvres à tout coin de rue. Plus il y a de sang, plus ils se portent bien. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, salam wa l'afia. Il est dit dans l'autre verset, « Ou vous qui avez cru, accomplissez vos actes, vos contrats. Allez jusqu'au bout de votre contrat. » إيه يقول الشيخ فما كان من الشروط في العقود يعني في عقد جلب هؤلاء فيجب أن يوفى لأن المسلم هو الممتثل لأمر الله عز وجل وشرط هذه الشروط فيوفي تلك الشروط إذا كانت موافقة لحكم الله عز وجل il dit حفظه الله تعالى les conditions qu'il y a dans ces contrats avec lesquels il a ramené cette personne mécréante il est obligatoire pour le croyant de les accomplir et d'aller jusqu'au bout Parce que le musulman, il est celui qui est soumis aux ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il doit s'acquitter. Il fait partie des ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de s'acquitter des conditions, de les respecter, et d'aller jusqu'au bout du contrat. Tout compte les conditions vont de pair avec la législation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand il n'y a aucune contradiction, avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ هؤلاء إن أهديت إليهم هدية ووجبت لهم دعوة أو نحو ذلك لأجل مصلحة شرعية فإن هذا محمود. Il dit cette catégorie là qui est ainsi, qui ne dit pas de mal des musulmans ni de l'islam, etc. Si on leur offre un cadeau, si on, ils nous invitent et on répond à leur invitation pour un but d'yel dawa et un but légiféré, il n'y a aucun problème. C'est louable d'agir ainsi avec eux. وهكذا كانت تفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته مع أمثال هؤلاء في المدينة. ainsi étaient les actes du prophète عليه الصلاة والسلام et sa sunna avec ce genre de personnes à Médine. فإنه عليه السلام زار غلاما يهوديا كان الغلام يخشى النبي صلى الله عليه وسلم ربما يخدمه فافتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له إنه مريض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم. Ainsi, il était notre prophète, alayhi salatu wassalam, à Médine, avec ce genre de personnes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a visité un jeune juif qui était malade. Parce que ce jeune juif venait voir le prophète, alayhi salam, et des fois, il venait même être au service du prophète, faire des actes pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Et un jour, le prophète ne l'a pas vu, plusieurs jours. Il a posé des questions sur sa situation. Au lieu de dire qu'il était malade, il est allé le visiter. ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي كما هو معلوم. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est mort et son armure était hypothéquée chez un juif. Il est mort et son armure était hypothéquée. Il a pris un prix chez un juif en laissant comme garantie son armure. Que parce que certains disent on commerce avec les juifs, on commerce avec les où est le problème? C'est notre prophète, il a commencé avec les juifs, etc. Où est le problème? Et d'autres te ramènent des ambiguïtés. Ouais, le fait de boire du coca, d'acheter de l'ariel, tu aides, etc. Prouve-le et de se recroire. Et il te dit ça c'est haram. Prouve que ça c'est haram déjà. Prouve que le coca c'est haram. Prouve que le fanta c'est haram. Prouve que l'ariel c'est haram. Prouve que tout ça c'est haram d'abord. C'est haram au niveau de la législation. Maintenant que toi, tu n'aimes pas, ça c'est ton problème. Mais que tu ne dis pas que ça c'est haram. C'est une législation. Il n'interdit pas à la communauté. Mais que toi, ça te dérange que le coca verse. Si c'est vrai, verse. Ou là que la réelle soit une société juive, etc. Tu ne veux pas contribuer à cette économie. Il n'y a aucun problème. Mais n'en fais pas une loi. Et si quelqu'un doit faire cette loi, doit boycotter, ce sont les hommes de science qui doivent le décider. Une pré-réunion avec le gouverneur, il fait appel aux économes. Voir est-ce que c'est dans notre intérêt ou pas. Et à ce moment-là, les hommes de science donnent le verdict, est-ce qu'il faut le faire ou pas. Mais il faut les spécialistes de la matière. Est-ce que le fait de boycotter telle chose ou telle chose, est-ce que c'est à l'avantage du pays ou ça va ramener un mal au pays? C'est beaucoup plus grand que ce qu'on croit à nous. Crois que la situation, arrête de boire du coca, ça y est, tu t'as réglé tout. Arrête de boire du coca, ou là, 1 million comme toi, ils arrêtent, ou là, 2 millions, ça ne changera rien au problème. Ça ne changera rien au problème. Hein? Il te dit, arrête de boire du coca, et de sa tête aux pieds, il est habillé par des vêtements juifs. Vas-y, enlève le lévis que tu as sur ton dos. D'où il vient? Et vas-y avec lui, avec les voitures. Il va avec d'autres choses. Subhanallah. Et bien, que ça. Qu'on ramène des ambiguïtés. Tout simplement parce que c'est des gens qui veulent vivre et qui profitent des sentiments de la communauté et des malheurs de la communauté. C'est derrière les malheurs de la communauté qu'ils font qu'ils dorment leur blason. Ils se font une image. C'est le commun, ça qu'il dira. Cela, c'est des parleurs. Cela, c'est des défenseurs de la communauté. Mais il n'y a rien du tout. Et voici ce qu'il veut. Que les gens agissent ainsi. Que la réaction des gens soit comme ça. Comme ça, ils tombent autour de leur idéologie comme des mouches. Et qu'ils fassent d'eux ce qu'ils veulent après. Et qu'ils prennent de l'argent dans leur poche comme ils veulent. Allah subhanahu wa ta'ala salam wa la'avi. Yaqulu shaykh wa da'atum ra'atun yahudiyatun. واجاب دعوتها وسمت له الذراع. Et une juive a invité Rasulullah alayhi wa sallam. Il a mis du poison dans. Il savait que le prophète alayhi wa sallam aimait l'épaule du mouton. Il lui a mis du poison dedans. وهذا معلوم في أنواع تعامل المصطفى مع أولئك. هذا في الطائفة ceci est connu dans le comportement qu'avait le prophète عليه الصلاة والسلام au niveau de ces gens-là qui habitaient à Médine et qui étaient sous la protection des musulmans qui avaient un pacte avec les musulmans. يقول الشيخ هذا مع أولئك مع أولئك هذا في الطائفة التي لم يظهروا عداوة للإسلام وأهلهم مستأمنون أو في البلاد التي فيها أهل ذمة هم أهل ذمة فيعاملون بقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Il dit حفظه الله تعالى que ça concerne ceux qui sont qu'on a rentré dans le pays et qui respectent les coutumes du pays, qui respectent l'islam, qui ne parlent pas au mal de l'islam, etc. Il faut agir ainsi. Il faut être des dignes du contrat qu'on a accompli avec eux. Et ça concerne aussi ceux, les juifs ou les chrétiens, qui sont al-dim, qui vivent dans le pays, qui sont sous la protection du gouverneur. Parce que pour eux, ça s'applique la parole de Allah subhanahu wa ta'ala qui est passée tout à l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous interdit pas d'être équitable et juste avec ceux qui ne vous ont pas combattu et qui ne vous ont pas sorti de chez vous. يعني أن تبرهم بأنواع البر أن تهدي له وأن تدعوه أو أن تسقيه إذا أتاك شيء أو أن تطعمه إذا أتاك طعام ولعل في ذلك خير أن يحبب له الإسلام. Que tu sois bon avec lui, que tu l'invites, peut-être que tu lui donnes à boire ou autre, ou que tu lui donnes à manger ou autre, dans l'espoir de lui faire aimer l'islam. Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu warda faisait cuire de la nourriture. Il disait, est-ce que vous avez donné à notre voisin juif radiyallahu anhu warda. يقول الشيخ هؤلاء كثير منهم مغفول عنه يكون للمرء معه. Il est des histoires qui est arrivé dans certaines régions de France pendant la fête du sacrifice où les gens tu te retrouves dans d'une zone de pavillon, etc., où tu les as à droite, tu les as à gauche, etc., où des gens, par le geste, le fait juste, quand ils égorgent, font les brochettes, etc., ils envoient de l'humeur du jardin vers l'autre et l'envoient à la voisine, etc. Il y a des personnes qui ont entamé une discussion avec, à partir de ce moment-là, à partir du moment où ils fêtent certains événements dans la famille, etc., il le sait. Il y a eu des discussions qui se sont faites et des gens ont pris le chemin de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala leur a ouvert leur cœur. On ne sait pas l'acte qu'il fait. On ne doit négliger rien du tout. Et c'est un voisin. Tu l'as comme voisin ici. Il a le droit du voisin. Même s'il est mécréant. Il a le droit du voisin. Tes enfants ne doivent pas, à chaque fois qu'ils ont terminé une canette de coca, l'envoyer dans son jardin. Et vas-y. Et là, le droit du voisin, tu dois t'acquitter de son droit. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce droit. Et on est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons nous acquitter des droits vis-à-vis de tout un chacun. يقول الشيخ هؤلاء كثير مغفول عنه يكون المرء معه في عمله معه في شركته في مؤسسته يقابل فيه زمالة يكون معه ولا يدعوه إلى الله جل وعلا ولا يتقرب إليه بتحبيب الإسلام إليه. وإذا نظرت على مكاتب الجاليات المنتشرة وجدت كثيرا من الجاليات هذه النصرانية أو غير المسلمة اعتنقت دين الله عز وجل لأجل ما قدم لهم من الدعوة ما قدم لهم من الخير وتحبيب الإسلام إلى نفوسهم بالقول والعمل. Il dit, Cheikh, il dit, cette catégorie de personnes, notamment chez eux, il dit, certaines personnes passent à côté, ils sont insouciants, ils ne s'en occupent pas. Il dit, certains travaillent avec eux, ou là, ils sont sous sa tutelle, ce sont une autorité dans la société, et ils ne l'invitent pas, il ne lui parle pas de l'islam, il essaie pas de lui faire aimer l'islam. Il dit, mais quand on regarde, ils ont des bureaux qu'ils appellent le bureau d'Al-Jaliyat, qui concernent les minorités. Et ces bureaux-là, ils font dawa pour les non-musulmans. Hein? Et il y a beaucoup de gens qui se convertissent grâce aux efforts de Duat qui sont dans ces bureaux. Hein? Et parce que on leur fait aimer l'islam, on, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala ouvre leur cœur. Et nous avons l'un de nos frères, que beaucoup parmi vous suivent ces cours, deux fois par semaine. Parce qu'il est dans certains contrats pour arriver à, en Arabie Saoudite pour certaines. Hein, dans le contrat de travail, il est spécifié qu'il y a une certaine heure d'apprentissage de l'islam. C'est-à-dire d'apprendre comme l'islam. Il y a notre frère, de la même en France. Il est employé comme tel à Yenboa, dans une région pétrolière, où il donne des cours à tout ce qui est francophone. Ils sont obligés d'y assister. Qu'ils se convertissent ou qu'ils ne se convertissent pas, peu importe. Mais c'est dans le contrat. Hein? Et à travers l'Arabie Saoudite, il y a plein de bureaux comme ça, malgré ce que certains disent sur l'Arabie Saoudite. Parmi les pays musulmans qui font le plus pour l'islam, c'est l'Arabie Saoudite. Il n'y a qu'à voir le nombre de Qur'an qui s'édite par année, qui se distribue pendant Ramadan et pendant le Hajj. Calculez le nombre de personnes qui passent et le nombre de Qur'an qui sont. S'il n'y avait que ça, laisse les livres de l'Aqidah, laisse, etc. Laisse les bourses qui sont données aux étudiants, que ce soit à Médine, à Mecca, à Riyad, etc. et qui viennent de différents pays. Les bourses plus un billet d'avion pour revenir chez soi chaque année. Et il est évident, comme disent les hommes de science, aucun pays n'est parfait. Le domaine parfait est l'univers. Et l'œuvre qui est parfaite, c'est celle d'Allah Azza wa Jal. Hein? C'est celle d'Allah Azza wa Jal. Oui, ce qu'il y a, le plus grand nombre d'hommes de science au mètre carré sur la planète. Dites-le moi. Hein? Mais certaines personnes que Allah subhanahu wa ta'ala les guide, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont aller avec leur langue. Et que tout ce qu'ils disent. Évidemment, dans le pays, on ne dit pas que c'est un pays. Hein? Il y a des trucs. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de bande, qu'il n'y a pas ceci, etc. Qu'il n'y a pas. Mais tout le mal, il est caché. Il n'est pas en public. Parce que s'il est en public, il se fait avoir. Hein? Moi, j'ai fréquenté beaucoup de frères qui s'occupent d'eux, qui sont dans le groupe d'Yel, l'Amr bin Ma'ruf al-Munkar à Jeddah. Mais ils ont de ces façons, de ces techniques, pour arrêter les filières de l'adultère, assez exceptionnelles. Des frères qui faisaient ça depuis 10-15 ans. Et des frères qui sont des demandeurs de science. Enfin, il y a un bien, bien sûr, mais il y a du mal aussi. Mais le mal qu'il y a par rapport au bien, quand tu regardes les autres pays, hein, et quand tu regardes l'effort qui est fait pour l'islam, combien d'hommes de science sont envoyés à travers l'été pour Dawa, hein? Et regarde, rien que Médine, c'est à peu près 154 nationalités qui se retrouvent là-dedans. Et tous, ils vont passer par le cycle de l'arabe en priorité. 2 ans. Selon chacun, selon il y a certains, il passe que 6 mois, ou là 1 an, etc. Parce qu'il a déjà un bagage dans Cana. Et après, les 4 ans du cursus, certains vont... Hein, faire la licence, d'autres, certains vont arriver jusqu'au doctorat, d'autres, après les 4 ans, ils vont rentrer chez eux. Hein? Regarde, tout. Il faut que nous soyons des gens qui positifs les situations, qui voient le bien là où il est. Mais, si on ne fait que voir que le mal, ben, il n'y a que le mal. Hein? Un des chouyours dans une école traditionnelle dans les montagnes marocaines, où dans cette école, à peu près, plus de 300 élèves, ils sont là. À longueur d'année, ils sont nourris, logés, etc. Hein? Ils apprennent le Coran, mais à côté de ça, il y a plein de trucs qui sont pas conformes à la sunna, comme l'aqidah d'il Asha'ira et autres. Mais le but n'est pas là, n'est pas pour l'école. Il y a un jour, quelqu'un est venu de la même ville, de Marrakech. Il a ramené des biens pour les donner à cher pour les étudiants. Il lui a dit, comment il est Marrakech? Elle lui a dit, c'est une ville, c'est même pas la peine d'y passer. il n'y a que du mal. Quelques jours après, une autre personne arrive de Marrakech même, avec des provisions aussi pour l'école et pour les étudiants. Il lui a dit, comment on va Marrakech, comment il est Marrakech? Il m'a dit, il n'y a que le bien et Kadana. Hada, il fréquentait les gens de bien, mais il a vu que le bien. L'autre, il a été dans les lieux de mal, il a vu que le mal. Et chacun a transmis ce qu'il a vu. Hein? Ça, tout est relatif à l'islam. Tout est relatif. C'est pas tout le temps noir et tout le temps blanc. Il y a du noir qui est un petit peu imbibé de blanc. Il y a du blanc imbibé de noir. Si tu veux que la situation soit blanche, eh, c'est impossible. Et malgré ce que fera ce pays qui est l'Arabie Saoudite, les gens vont le dénigrer tout le temps, vont le critiquer tout le temps. Si maintenant il y a Omar ibn al-Khattab, radhiyallahu anhu, ils vont le critiquer. Ils n'ont même pas été contents du gouvernorat de Othman. Ils l'ont assassiné. Et tu veux qu'ils soient contents du gouvernorat d'Al-Faisal ou de notre famille? C'est pas possible. Othman ibn Affan, ils l'ont assassiné. Din Nourain, ils l'ont assassiné. Ils n'étaient pas contents de son gouvernorat. Et tu veux qu'il soit content de quelqu'un qui est arrivé, hein, combien de siècles après Othman ibn Affan, radiallahu ta'ala anhu, Allah. Donc il faut, frère Allah, Zawajal, quand tu entends quelque chose, ne go pas. Fais pas que ton corps il soit une éponge. Fais la part des choses. Hein, et rejette. Rejette. Rejette. Ne laisse pas s'entasser dans ton cœur. Le mauvais, éloigne-le de toi. Il n'y a personne que tu sais qui te ramène que du mauvais, tu t'en éloignes. Parce que Hada, il va. On est influençable, là, à l'islam. On est influençable. Soit on s'influence vers le bien, soit on est influencé vers le mal. Donc fais très attention. Il y a quoi le cher? Et aussi, vous assistez au cours sur Internet du frère Ammar et du frère Abdel Malik. Ce site que vous voyez, c'est l'État saoudien qui le finance. Le repère de la Sunna, il fait partie de... C'est un système, hein, mis à la disposition des deux frères Ammar et le frère Abdel Malik par l'État saoudien. Et depuis qu'il est ouvert ce site, le frère Abdel Malik n'a fait que des bons livres. Le frère Ammar fait... Il est sur le troisième tome, là, le deuxième tome du Fiqh al-Adhkar de Cheikh Abdel Razzaq. Plus tous les fascicules qu'ils ont passés, l'un et l'autre. Hein? La jurisprudence de la famille du frère Abdelmalek. Et d'autres livres. Le livre d'Yel Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad concernant le Coran. Et autres. Hein? Et là, il est évident que ça fait. Il n'y a qu'à regarder la liste. Quand ils rentrent dans le salon, combien de personnes profitent chaque soir? Des fois, ça dépasse les 100 personnes. Des fois, c'est un peu moins. Hein? Les sœurs, etc. Tous ceux qui en profitent. C'est... Tous les pays faisaient la même chose que là, ou le deuxième de l'Arabie Saoudite, la dawa serait extraordinaire. Hein? Ça ne veut pas dire que les autres pays ne font pas. Ils font. Mais par rapport à ce que fait l'Arabie Saoudite, c'est minime. Alors, je ne suis pas saoudien. Je ne vis pas en Arabie Saoudite. Je vis au fin fond du Maroc. Yak. Mais la réalité, c'est la réalité. La vérité, c'est la vérité. Et moi, je ne connais que des gens de bien là-bas. Toujours. Ajda, j'ai des amis, tout le monde d'or de science, de grandes familles. Mais un respect et un accueil, j'ai jamais vu pareil. Les frères aussi de, hein, la délégation d'ordonner le bien et le mal, la même chose. Et d'autres, à midi, la même chose. Mais je sais qu'il y a aussi des mauvaises choses. Je sais qu'il y a des trucs qui se font en noir, il y a etc., etc. Mais le bien est apparent et le mal, il est caché. Et le mal, il est caché. يقول الشيخ وهؤلاء ينبغي لهم أن يعاملوا بذلك أن يعطوا حقهم وأن يكون المرء معهم فيما يجب من امتثال أمر الله جل وعلا ومن امتثال أمر الله جل وعلا فيهم أن يكون مهادنا لهم وأن لا يكون مستأنسا أن يدعوهم ويضحك معهم ويستأنس لغير غرض شرعي، ومن ذلك أحكام السلام وأحكام التحية. Il dit, حفظه الله تعالى, vis-à-vis de ceux-là, ceux qui sont rentrés avec contrat, qui respectent le pays, qui respectent l'islam, etc., il faut s'acquitter de leurs devoirs vis-à-vis d'eux. On s'acquitte de notre devoir. Et que l'être humain doit être avec eux, hein, en étant soumis à Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leurs devoirs. S'acquitter de ses devoirs comme le veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut qu'ils soient tranquilles avec eux, qu'ils ne leur créent pas de problème. Mais il ne faut pas qu'ils les invitent pour rigoler et pour se raconter des histoires. Et pour les réconforter dans leur situation. Quand il veut être dans leur compagnie, c'est pour un but législatif. Hein? Et aussi au niveau des salutations. Et les lois de la les salutations sont détaillées, ont été détaillées par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Yaqoul wa ahsan, inshallah ça va répondre à ta question d'hier. Wa ahsan man fassala fi ahkam at-tahiyya ma'a hawla Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. حيث قال إن التحية التي يحرم ابتداء هؤلاء بها إنما هي ابتداؤهم بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص ذلك بالسلام فقال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. Il dit حفظه الله تعالى le meilleur qui a détaillé ce qui concerne les salutations avec ces gens-là c'est Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله عليه. Il dit parce que la tahiyya, les salutations qui est interdite vis-à-vis d'eux, c'est le fait de les commencer avec salam alaykoum. Et parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait la particularité du salam, il a dit ne commencez les juifs ni les chrétiens en leur disant salam quand vous les retrouvez. Et quand vous les retrouvez, si tu continues dans un pays musulman, etc., c'est toi, pas toi qui dois raser les murs. Là, tu dois marcher, normal. C'est pas à toi de raser le mur. يقول حفظه الله معنى لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام يعني لا تلقوا عليهم السلام أولا. ديك الرسول صلى الله عليه وسلم parole de Ibn Taymiyyah que cite Cheikh ici. Ne commencez pas. لا تبدأ اليهود. Ne commencez pas à dire vous les premiers salam aux juifs et aux chrétiens. Ne le faites pas en premier. وإذا لقيتمهم في طريق يعني وأنت ماشي في الطريق يعني كما بين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بين معنى هذا الحديث فقال المراد بالمشي على الرجلين ونحو ذلك أن تضطر الكافر إلى ضيق الطريق ليس معناه تضايقه ليس معناه أنك تضايقه ولكن تضطر إلى ضيق الطريق وتأخذ أنت أوسع لك لأنك أنت المسلم لله عز وجل أن يكون للمسلم ونحو ذلك أن تضطر ذلك الكافر إلى ضيق الطريق ليس معناه أن تضايقه ولكن معناه أن يكون للمسلم لأجل ما معه من الإسلام والتوحيد أن يكون له صدر الطريق ووسط الطريق اللي حفظه الله تعالى ونغمنه من explication de Cheikh Abd Aziz رحمه الله تعالى est-ce qui est voulu par le fait quand tu marches c'est quand tu marches tes pieds c'est-à-dire que tu rends l'espace étroit pour toi, tu prends la meilleure place qui, dans laquelle tu vas être dans les onces quand tu marches. Hein? Et que tu lui laisses le côté. Quand tu es dans le pays de l'islam, et la gloire est chez toi, ainsi ça doit être. Et cela ne veut pas dire qu'il faut lui faire du mal. Loin de là. Ça ne veut pas dire qu'il faut lui faire du mal. Hein? Mais le musulman, puisque c'est lui qui a le monothéisme, qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui doit avoir la largesse dans le chemin, sans faire du mal à l'autre. فبعض الناس يقول الشيخ إذا أتى مثلا إلى بعض الأماكن التي يكون فيها هؤلاء يكون فيها الكفرة مثل المستشفيات إذا أتى وجدته يسير كأنه ذليل على حالة الطريق الطويل أو نحو ذلك ملتصقا بالجدار هنا وهناك وهذا مما لا يسوغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق معه يعني أن يكون المسلم وسط الطريق ويكون لأولئك الحافات وهي أضيق الطريق il dit parce que quand tu rencontres des personnes ils parlent de là-bas on n'est pas encore arrivé à parler de notre situation ici il dit certaines personnes dans certains endroits, comme les hôpitaux où il y a beaucoup de mécréants qui travaillent en tant que médecins, etc. Quand il voit cette personne, il rentre de là, il voit ces gens-là, il rase les murs. Alors que ce n'est pas à lui de raser les murs, il va prendre le milieu du chemin, le milieu de l'allée. Et il n'a pas à raser les murs et à rentrer rabaissé. Loin de là, c'est lui le soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il doit prendre et leur laisser au moins les coins, les autres parties du chemin et les autres parties de l'allée. Et il dit, on voit, beaucoup de gens rentrent dans l'hôpital et ils rasent les murs. Mais il n'a pas à le raser, il n'a pas à se rabaisser ainsi. يقول الشيخ كذلك هؤلاء لا يعاملون بالتكريم يكرمهم مسلم وإذا أتوا بش فيهم وكرمهم وقابلهم بأنواع من المقابلة قد لا يعملها لمسلم هذا مما لا يسوغ لأن معاملة أولئك بالبر وبالقسط وبالعدل لا يعني أن يكرموا فوق ما أعطاهم الشرع بل يعاملون بالقسط يعني بالعدل أن تعطيه حقه وأن تأخذ منه حقه وأن تبره بنحو إهداء أو إجابة دعوة أو معاملة بالحسنى ونحو ذلك وقد قال عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى Il dit, حفظه الله تعالى, ceux-là, on ne doit pas les honorer. Ils ont la sécurité, on s'acquitte de leur devoir, de le devoir vis-à-vis d'eux, mais on ne doit pas les honorer par rapport aux musulmans. C'est le musulman qui doit être honoré. C'est-à-dire, quand ils arrivent, le grand sourire à son image, etc., et tu l'accueilles d'une certaine façon que tu ne réserves pas aux croyants ni aux musulmans. Mais ceci n'est pas permis. Le fait d'être bon avec ces gens-là, d'être juste avec ces gens-là, ne veut pas dire qu'il faut les honorer au-delà de ce que leur a donné la législation. Tu t'acquittes de ton devoir que la législation a fait obligatoire pour toi, c'est tout. Mais, et tu es juste vis-à-vis d'eux, tu t'acquittes de son devoir, comme le veut Allah, subhanahu wa ta'ala, et tu prends ton dû de chez lui. Lui aussi doit s'acquitter de son devoir et du travail pour lequel il a été ramené. Et tu lui offres un cadeau, ce n'est pas un mal. Tu réponds à son invitation s'il t'appelle et tu es d'un bon comportement avec. Et il est dit dans le verset, Allah ordonne la justice et la bienfaisance et le fait d'entretenir la relation avec les proches. Et ce verset du Cheikh rentre dedans les différentes sortes de comportements que nous devons avoir. Et nous arrêtons là, Inch'Allah. On terminera le sujet après Salat al-Asr, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum, ahsallahu alaykum, jazakumullahu khairan.